النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية باللغة الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs, nous vous présentons le bulletin d'information de l'État islamique pour le mardi 23 du mois de Ramadan de l'année 1437 de l'Hégire. Nous commençons ce bulletin par les titres les plus importants. Dans la wilaya de Hadramout, plus de 50 soldats ont péri à la suite de 8 opérations martyrs dans la ville d'El-Mukalla, au sud du Yémen. Dans la wilaya de Damas, prise de contrôle totale de la zone d'El-Janoua dans le camp de Yarmouk. Dans la wilaya d'El-Anbar, plus de 25 soldats de l'armée Rafidite ont péri après une attaque contre leur position aux environs de la ville de Rutba. Dans la wilaya de Hadramout, par la grâce d'Allah, un nombre de cavaliers du martyr ont lancé une série d'opérations martyrs qui ont frappé les repères des apostats en tuant une cinquantaine d'entre eux et blessant des dizaines d'autres. Elles ont été menées par les frères Abu Jarrah al-Adani et Abu Qaswar al-Adani, qu'Allah les accepte, qui ont fait exploser leurs voitures piégées sur le centre antiterroriste et des forces d'élite afin de les affaiblir. Suite à cela, 4 membres d'un commando Henri Messi se sont introduits dans l'édifice afin d'y éliminer les apostats ayant survécu. Pendant ce temps-là, le frère istishhadi Ammar al-Ansari, qu'Allah l'accepte, a déclenché son gilet explosif sur un rassemblement des forces d'élite attroupées à l'entrée du secteur sud de la ville d'El-Mukalla. Au même moment, le frère istishhadi Muhsin al-Yamani, qu'Allah l'accepte, a lui aussi déclenché son gilet explosif contre un rassemblement des forces d'élite attroupées au nord de la ville. La louange est à Allah. Dans la wilaya de Damas, de violents affrontements, qui ont duré plusieurs heures, ont eu lieu au camp de Yarmouk entre les soldats du califat et les sahawats de l'apostasie qui tentaient une avancée sur 3 axes en direction des positions des mujahidines. Les frères les ont repoussés avec divers types d'armes, tuant et blessant 13 d'entre eux. Les survivants ont, quant à eux, préféré prendre la fuite. La louange est à Allah. Dans le même contexte, les soldats du califat, après avoir placé leur confiance en Allah et fait les causes, ont lancé une offensive sur la zone d'El-Ja'una qui s'est soldée par la mort d'au moins 4 apostats membres de la branche d'Al-Qaïda dirigée par El-Julani. Par ailleurs, des armes et des mines ont été saisies en butin. La louange est à Allah. Dans la wilaya d'El-Anbar, par la grâce d'Allah seul, les soldats du califat ont lancé une offensive sur 3 axes à l'aide de différents types d'armes contre des casernes de l'armée Rafidite situées au carrefour du pont soudanais aux environs de la ville de Rutba. L'offensive a débuté par l'opération martyr menée par le frère Abu Khansa al-Raqawi, qu'Allah l'accepte, qui a fait exploser sa voiture piégée contre un siège secret des apostats situé au carrefour. Au même moment, les soldats du califat ont réussi à incendier 3 de leurs casernes. Le bilan de l'opération est de plus de 25 apostats tués. Des combats sont toujours en cours, nous demandons à Allah la victoire. Dans le même contexte, les soldats du califat ont effectué, à l'aide d'armes légères et moyennes ainsi que des roquettes, un raid béni sur le passage frontalier de Trébil, situé à la frontière artificielle entre l'Irak et la Jordanie. Lors de l'offensive, plusieurs soldats de l'armée Rafidite ont été tués et blessés. La louange est à Allah. Dans la wilaya d'Alep, les soldats du califat ont été en mesure de prendre le contrôle de 7 villages dans la périphérie nord à la suite d'une opération d'infiltration qui a poussé les membres des Sahawat à fuir. La louange est à Allah. Dans la wilaya du Sinaï, un car transportant des soldats de l'armée égyptienne apostate a été ciblé par une mine aux environs du checkpoint de Bir Rahfan, au sud de la ville d'Al-Arish. Le véhicule a été frappé de plein fouet, la louange est à Allah. D'autre part, un dragueur de mine de la police apostate a été ciblé par une mine dans la zone de Kilo 17, au sud de la ville d'Al-Arish. Suite à cela, des affrontements à l'arme légère et moyenne ont éclaté avec les apostats sans que l'ampleur des pertes ne soit connue. Dans la wilaya de Barqa, au cours des grandes batailles du califat à Benghazi, les soldats du califat ont pu déclencher des mines au passage d'un blindé BMP des soldats du Tarout sur l'axe d'Eshajar. Le véhicule a été entièrement détruit et ses passagers ont été tués et blessés. La louange est à Allah. Dans la wilaya de Tarablus, un rassemblement d'apostats de Fajr Libya a été pris pour cible sur l'axe 700 du sud de la ville de Sirte. Plusieurs d'entre eux ont été tués et blessés, tandis que plusieurs véhicules ont été endommagés. La louange est à Allah. Dans la wilaya de Diyala, un bulldozer de l'armée Rafidite a été endommagé lors de son passage sur une mine dans la zone des collines de Hamrain. Dans la même zone, une mine a été déclenchée au passage d'une patrouille de l'armée Rafidite sans que l'on ne connaisse l'étendue des pertes. Nous demandons à Allah d'anéantir ses ennemis. Dans la wilaya de Nainawa, un apostat Peshmerga a été éliminé par un tireur d'élite dans la localité d'El-Khazir. D'autre part, dans la même localité, des casernes de Peshmerga ont été pilonnées à l'aide d'obus de mortier. Les frappes ont été décisives et ont causé notamment la destruction d'un véhicule, la louange est à Allah. Dans la wilaya de Kirkuk, des apostats de la MP Rafidite ont été pilonnés à l'aide de dizaines d'obus de mortier dans 2 localités du district de Touz. Nous demandons à Allah d'orienter nos frappes. Dans la wilaya de Dijla, des rassemblements de l'armée rafidite ont été pilonnés aux abords du village d'Ar-Rijla, au sud de Mahmour, à l'aide de 14 obus de mortier de calibre 120 mm ainsi que 9 missiles de fabrication locale. Nous demandons à Allah de les anéantir. Pour finir, dans la wilaya de Salahuddin, deux véhicules ont été incendiés après avoir été visés par des obus de mortier dans une localité de la zone de Makhoul. La louange est à Allah. Avant de conclure ce bulletin d'information, nous vous en rappelons les titres les plus importants. Dans la wilaya de Hadramout, plus de 50 soldats ont péri à la suite de 8 opérations martyrs dans la ville d'El-Mukalla, au sud du Yémen. Dans la wilaya de Damas, prise de contrôle totale de la zone d'El-Janoua dans le camp de Yarmouk. Dans la wilaya d'El-Anbar, plus de 25 soldats de l'armée rafidite ont péri après une attaque contre leur position aux environs de la ville de Rutba. Pour finir, veuillez accepter les salutations de vos frères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.